Chapitre 2e, le récit de Pascog. L'attentat dont Freddy Tuckerton avait été victime produisit partout une sensation énorme, et quand le télégraphe en apporta la nouvelle à New York, tous les salons mondains où fréquentait le jeune millionnaire furent profondément bouleversés par cet événement inattendu. Les journaux se firent les interprètes de cette émotion en consacrant de longs articles au drame de Somersworth. Ah! Quels articles nécrologiques Freddy aurait eu s'il avait perdu la vie dans cette aventure ? Heureusement pour lui qu'il n'en devait rien être. Plusieurs des jeunes gens qui devaient partir ce jour-là pour Somersworth, pour y chasser avec leur hôte et ami Freddy Tuckerton, eurent spontanément l'idée de se réunir pour s'entretenir de l'événement tragique qui bouleversait ainsi tous leurs projets. Tous, il faut le reconnaître, plaignaient du fond du cœur le pauvre Freddy. Aussi, lorsqu'un d'eux proposa d'aller trouver le célèbre détective Nat Pinkerton pour le prier de vouloir bien rechercher le coupable, tout le monde l'approuva-t-il. Toutes les dépêches de Somersworth s'accordaient à dire que la police de cette ville, malgré tout son zèle et son empressement, n'avait pu encore apporter la moindre lumière dans cette affaire ténébreuse. Aussi, l'intervention d'un homme énergique et compétent semblait-elle de plus en plus indispensable si l'on voulait avoir enfin la clé de ce mystère. C'est ainsi que dans la matinée même du jour qui suivit le drame dont nous avons conté les péripéties, Nat Pinkerton reçut la visite d'une députation de jeunes gens du meilleur monde que pour la plupart il connaissait déjà de nom. Il ne les fit pas attendre, devinant bien de quel sujet il venait l'entretenir, car il était déjà informé par les journaux de la fâcheuse aventure survenue quelques heures auparavant à l'un d'eux. Comme il le prévoyait, les visiteurs le sollicitèrent instamment de s'occuper de cette affaire. Il leur répondit simplement « Gentlemen, je ne vous cacherai pas que dès le premier moment où je l'ai lu dans les journaux, cette histoire m'intéressait au plus haut point. Aussi avais-je déjà pris la résolution de m'en occuper, et si vous n'étiez venu m'en prier, je l'aurais fait de ma propre initiative. Vous voyez donc que nous sommes parfaitement d'accord. Je partirai pour Somersworth par le premier train. » De bruyantes acclamations accueillirent ses paroles, tandis que les jeunes gens s'empressaient autour de lui pour le remercier. « Gentlemen, répondit alors le détective, j'ai une recommandation à vous faire. C'est de ne dire à personne que vous êtes venu me trouver et que j'ai consenti à me charger de cette affaire. Je compte sur votre discrétion la plus absolue. Si mon intention venait à être connue prématurément, si les journaux l'annonçaient, ce qu'il ne manquerait pas de faire, ma tâche s'en trouverait singulièrement compliquée. Vous supposez bien en effet que le coupable n'en serait pas le dernier informé, et c'est justement ce que je vais éviter à tout prix. » Les jeunes gens s'engagèrent de la façon la plus formelle à garder le secret, et ils quittèrent le maître en lui souhaitant bonne chance et prompt succès. Pinkerton fit comme il l'avait dit. Une heure après, il avait pris place dans le train qui devait le conduire à Somersworth. Dès qu'il y fut arrivé, son premier soin fut de se rendre à l'hôpital. Afin de pouvoir donner à Freddy Tuckerton tous les soins que réclamait son état, les médecins l'avaient fait transporter dans une automobile d'ambulance à l'hôtel de la ville. Les chirurgiens et médecins s'empressaient au chevet du blessé. Le détective entra dans la salle au moment même où Freddy revenait à lui pour la première fois depuis que l'homme masqué avait tiré sur lui. Pinkerton se fit connaître de l'inspecteur de police qui se trouvait précisément là, et il fut conduit aussitôt près du lit du malade. Freddy regarda d'abord autour de lui d'un air égaré, se demandant évidemment où il se trouvait. Si propre et si claire que fut la salle d'hôpital, elle ne ressemblait en rien cependant à sa luxueuse chambre à coucher. Une douleur violente qu'il ressentit dans le dos le rappela le drame de la nuit précédente et il frissonna de terreur rétrospective au souvenir du bandit masqué qu'il avait tenu au bout de son fusil pendant plus de 10 minutes. 10 siècles. Puis, il regarda bien en face le médecin qui, penché sur lui, lui tâtait le pouls. « Eh bien, lui demanda-t-il, où en suis-je? Dites-moi la vérité, est-ce grave? Suis-je en danger de mort? Parlez franchement. » Le médecin lui répondit que sa vie ne courait pas le moindre danger, la balle n'ayant, par un hasard miraculeux, atteint aucun organe essentiel, et que sa guérison complète n'était l'affaire que de quelques semaines. À ces paroles d'encouragement et de réconfort, prononcées d'une voix douce, le blessé sentit les larmes lui monter aux yeux, et il tendit la main au bon docteur. Celui-ci lui en demandait s'il se sentait assez fort pour qu'on l'interrogeât. Le jeune homme répondit qu'il était prêt à faire tout ce qu'on désirerait. L'inspecteur et Nat Pinkerton s'approchèrent alors de son lit. Son visage s'illumina quand le détective lui fit connaître son nom. « Oh, Mr. Pinkerton, dit-il, quelle joie pour moi de vous savoir là. Il y a longtemps que je suis un de vos admirateurs les plus fervents. Ah, je suis bien convaincu que vous ne tarderez pas à découvrir le misérable qui s'est introduit chez moi et qui m'a mis dans cet état. Je vous promets en tout cas de ne rien négliger pour cela, » repartait Pinkerton. « Et maintenant, Mr. Tuckerton, nous vous écoutons. Veuillez nous faire le récit exact et détaillé de ce qui s'est passé dans votre chambre au cours de la nuit précédente. » Freddy obéit. Il commença par parler de la station prolongée qu'il avait faite vers 11 heures du soir sur son balcon et de la rêverie à laquelle il s'était peu à peu laissé aller. Il raconta comment il avait été tiré brusquement de ses pensées par une ombre qu'il lui avait semblé voir traverser rapidement l'avenue de Platane. S'il avait eu à ce moment des doutes sur la réalité de cette vision, il n'en pouvait plus conserver maintenant, la suite des événements ne s'étant que trop chargée de les lui enlever. Freddy répéta ensuite mot pour mot la conversation qu'il avait eue avec l'homme masqué. Cette scène terrible s'était gravée dans son esprit d'une façon ineffaçable et il n'omit pas le moindre détail. Quand il eut achevé, le maître lui demanda « Ainsi, vous ne savez pas à quoi cet homme faisait allusion en disant qu'il venait régler avec vous un vieux compte ?»« Je n'en sais rien du tout. » Cet homme a ajouté « L'heure est venue de réparer le mal que vous nous avez fait il y a bien longtemps, vous et les vôtres. » Il ne parlait donc pas de vous uniquement. Et peut-être s'agissait-il de votre père autant que de vous-même. « Je ne sache pas que mon père ait jamais fait à qui que ce soit un tort dont on soit fondé à venir aujourd'hui lui demander réparation, » déclara Freddy. Enfin, le masqué a ajouté qu'il obéissait à la voix du sang. J'en suis porté à conclure qu'il est le proche parent, probablement même le fils de celui à qui a été causé ce tort, réel ou imaginaire, peu importe. Je n'en sais rien encore une fois. Je n'ai pas compris un mot aux insanités qu'il me débitait. J'ai bien retenu chacune des paroles qui ont frappé mon oreille, mais quant à en saisir le sens ou la portée, c'est une autre affaire. Eh bien, l'interprétation que je vous suggère est tout à fait plausible et je m'y tiens, du moins provisoirement. L'homme masqué ne vous a-t-il pas dit également que vous n'aviez qu'à fouiller dans votre mémoire pour y retrouver le souvenir des faits auxquels il voulait faire allusion, que ce domaine avait appartenu autrefois à un autre, dont vous ou les vôtres aviez causé la ruine et la perte? Quel était cet autre? Ma foi, je ne suis pas très exactement renseigné sur ce point. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a bien des années de cela, j'étais encore un tout petit garçon, ignorant de toute chose, mon père acquit ce domaine qui, à cette époque, n'était pas le 10e de ce qu'il est actuellement, d'un vieux paysan du nom de William Warney. Dans quelles conditions fut faite cette acquisition? Quel homme était ce Warney? Et dans cette affaire, crut-il avoir lieu de se plaindre de mon père? Autant de choses que j'ignore totalement. Le vieux Warney avait-il un fils? Je l'ignore également. Lorsque mon père, qui jusque-là avait toujours vécu à la ville, m'amena ici, le vieux Warney en était déjà parti. D'autre part, je ne l'avais jamais vu auparavant. C'est tout naturel puisque j'étais encore un enfant et que je ne m'occupais pas des affaires de mon père. Quelle était la profession de votre père avant qu'il acquît ce domaine? Je crois qu'il était prêteur. D'ailleurs, il n'aimait guère à parler de son ancienne profession, à moi encore moins qu'à tout autre. Ce sujet lui répugnait visiblement. Où est le vieux Warney actuellement? Vit-il encore? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Quant à mon père, il n'en ouvrait jamais la bouche. Vous n'avez jamais entendu dire que, à l'époque où votre père était prêteur, il eût cumulé avec ce métier celui beaucoup plus lucratif d'usurier? Excusez cette question, mais j'estime qu'elle est absolument indispensable. Freddy hocha la tête. Non, Mr. Pinkerton, après avoir acquis ce domaine, mon père s'est adonné uniquement et exclusivement à la culture. Il n'avait plus qu'une ambition, acheter le plus de terrain possible amasser le plus d'argent qu'il pourrait, et j'aurais mauvaise grâce à ne pas reconnaître qu'il y a parfaitement réussi. Son existence était donc des plus simples. Le bruit du monde l'attirait peu, il fuyait le plaisir avec autant de soin que d'autres le recherchent, et il n'allait à la ville que quand ses affaires l'exigeaient absolument, mais certes pas pour s'amuser. C'est ainsi que je l'ai toujours connu. On l'a sans doute souvent traité de vieil ours, et moi-même, à mesure que je grandissais, j'ai eu beaucoup à souffrir de sa sévérité, et encore plus de son avarice, qui lui faisait me refuser systématiquement tout plaisir, par crainte des dépenses que cela pouvait entraîner. À son lit de mort, il me fit promettre qu'après lui, je continuerais d'exploiter le domaine comme il l'avait fait. Pour qu'il mourût tranquille, je m'y suis engagé, mais avec mon caractère, il m'était impossible de tenir la parole que m'avait arrachée un mourant. Pinkerton demeura pensif un moment, puis il demanda. « Vous parliez tout à l'heure de votre vieux régisseur Pascog, qui administre votre domaine. Il pourra peut-être mieux que vous me dire dans quelles conditions votre père a acheté jadis la propriété du vieux Warney. »« C'est bien possible, » répondit Freddy, « car si je ne me trompe, mon père a eu Pascog à son service dès le premier jour. Tant mieux. Ce brave homme pourra sans doute me donner des renseignements qui me seront précieux. » L'interrogatoire prit fin sur ces mots. Freddy l'avait très bien supporté, ce qui était une preuve de plus que sa blessure n'était pas bien grave. Redescendu dans la rue, Pinkerton prit une automobile et, sans perdre un instant, se fit conduire au domaine de Tuckerton.